sound of the police. J'ai entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Toutes et toutes, vous écoutez le magazine libertaire sur Jet FM, comme chaque mercredi de 12h05 à 13h30. Avant de commencer et avant de présenter l'émission d'aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a une assemblée générale qui vient de commencer à la fac, que c'est une AG contre la casse sociale et la précarité, et du coup il est toujours temps d'y aller. Et puis pour continuer à nous écouter, vous pouvez amener votre radio ou votre téléphone portable, comme ça vous continuez à nous écouter en route. Il y a aussi un rassemblement en ce moment même devant la préfecture de Nantes pour un meilleur accompagnement des élèves en situation de handicap dans le cadre de la journée d'action des AESH, qui sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap et dont les conditions de travail se dégradent. Et si vous êtes du côté de Saint-Nazaire, il n'est peut-être pas trop tard pour rejoindre le rassemblement qui a commencé ce matin en soutien à la nouvelle Maison du Peuple, qui a été assignée par la CAREN, qui donc la CAREN, c'est l'agglomération de communes autour de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire. Et la CAREN donc demande l'expulsion de la Maison du Peuple. Donc ce rassemblement, il est devant le tribunal d'instance. Ça a commencé à 9h, mais j'imagine qu'il y a encore du monde là-bas. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous écoutez le magazine Libertaire. Il est midi 12 sur Jet FM 91.2 à Nantes et jetfm.fr sur Internet. Le Maglib, c'est une émission où on cause d'actu, où on cause de lutte de la France et du monde qui pue, et où on essaye de relayer la parole de celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu habituellement dans les médias. Vous pouvez d'ailleurs nous contacter pendant le direct au 02 28 25 23 88, 02 28 25 23 88, et vous pouvez aussi nous contacter par mail à maglib@boom.org et retrouver nos podcasts sur le site maglib.noblogs.org. Aujourd'hui, on va parler du mouvement étudiant autour de la précarité. La précarité tue. On va parler de la libération de Vincenzo Vecchi. On va faire les annonces, bien sûr. Et on va commencer tout de suite à parler de mouvement breton. Ouais, on va attaquer directement cette nouvelle émission et ce nouveau billet foutrac par la racine, comme les pissenlits. Autant vous lâcher le morceau directement. À la base, j'avais prévu de vous faire un nouvel et passionnant exposé sur les gentils industriels et de la manière qu'ils avaient de se regrouper entre eux afin de nous concocter un joli avenir radieux, rien que pour nous, pauvres oailles consommatrices errantes. Donc en fait, j'allais encore vous parler de lobbying. Pour la troisième semaine d'affilée, et puis je me suis rétracté. Je me suis dit que vous méritiez pas ça, que je vous devais bien une petite pause chaleur, plus ludique, plus colorée, plus ensoleillée, plus cocooning, quoi. À vous, les trois auditrices et auditeurs qui suivent réellement chaque semaine la continuité de mes chroniques foutraques. Alors, en guise de réconfort, je vous propose aujourd'hui une magnifique excursion en Bretagne fasciste, entre les années 30 et 40. Allez, inspirez bien fort, mais si, ça va bien se passer. Donc, commençons logiquement par la fin, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La France fait officiellement partie du camp des vainqueurs. Alors oui, je sais, ça fait toujours un peu bizarre de se le rappeler comme ça. En réalité, la France est surtout matériellement, humainement et moralement anéantie. Après 6 années de guerre, de privation, de destruction, de meurtre, la fin du conflit résonne autant comme un air de fête que comme un chant lugubre annonçant la continuation des heures sombres qui tardent à finir de s'écouler. Car il reste des comptes à régler. Les divisions politiques et idéologiques qui avaient commencé à scinder la population durant les années 30, à base d'antisémitisme, de front populaire, etc., se sont finalement concrétisées quelques années plus tard, dans les engagements pris et dans les actes perpétrés par les acteurs d'alors. Résistance, collaboration, neutralité, exil. De choix irrémédiables en chemin condamné, on ne peut converger que vers la confrontation, et de fait vers l'épuration extrajudiciaire ou légale, selon les termes techniques. Qu'elle soit vichiste, durant l'occupation, puis plus tard, du fait de la résistance ou encore de la vindicte populaire aux premières heures de la libération. Ce qu'il y a, c'est que dans toutes les régions françaises, on a connu l'explosion de ces guerres fratricides. La Bretagne n'en est donc pas exempte. Au contraire même, à l'instar de tous les territoires traversés par les forts courants régionalistes, l'unité de son peuple se brise encore plus fortement qu'ailleurs lorsqu'une importante partie des militants, qui composaient la base du mouvement breton, choisit d'épouser les idéaux national-socialistes d'outre-Rhin. Une fracture d'autant plus nette qu'elle n'intervient ni par hasard, ni subitement. Les liens entre certaines organisations politiques revendiquant l'autonomie ou l'indépendance de la Bretagne avec le régime nazi datent de l'accession au pouvoir d'Hitler, après 1932. Il n'est pas question ici d'un soutien qui ne serait qu'affaire de stratégie politique, dans l'hypothétique espoir d'alors que le totalitarisme xénophobe renverse le républicanisme, ogre de toutes les identités et spécificités locales. Uniformisation culturelle oblige. Non, dans ce cas-ci, les accointances idéologiques sont bien plus fortes, composant une tambouille nauséabonde matinée de révolution conservatrice, sorte de pré-fascisme allemand, de nordicisme, mythe d'un peuple aryen, et d'une xénophobie large, promouvant une culture germano-celtique, un peu pour les besoins de la cause. C'est dans cette ambiance de folle euphorie morbide que le PNB, le Parti National Breton, voit le jour en 1931, à la suite de la scission du précédent organe national breton, divisant l'aile dure de l'aile modérée. Et ce PNB n'aura alors de cesse de prendre de l'importance durant cette décennie. Sous la férule des plus illustres et sordides théoriciens de ce mouvement breton, Olier Mordrel, Raymond Delaporte ou François de Beauvais en tête. Tous collaborationnistes notoires et assumés. Jusqu'en 1944, le PNB compte plus de 4000 adhérents. Pourtant, le parti peine à s'imposer notamment au sein de la population bretonne, qui n'hésite pas, à l'instar des maquisards, à aller à l'affrontement avec les miliciens du Bagadoustourm, organisation paramilitaire du PNB, plus tard renommée Bézenpero, et devenue alors une unité du renseignement de la SS. La plus fine fleur du nationalisme breton, en somme. Quoi qu'il en soit, la capitulation allemande va sonner le glas de toute cette élite bretonnante qui aura touché du doigt son rêve d'une Bretagne indépendante, sur fond d'autoritarisme et de meurtre de masse. Déjà délaissée au profit du régime de Vichy par l'état-major nazi, elle comprend définitivement que son rêve lui échappe lorsque les troupes allemandes évacuent la Bretagne à la fin de l'été 44. La majorité de cette élite décide alors de fuir la France afin d'échapper aux condamnations d'après-guerre. Le Pays de Galles, l'Irlande, l'Allemagne et l'Argentine seront les destinations privilégiées d'une partie des têtes pensantes, des activistes et autres criminels de guerre, parmi lesquels certains continueront de militer et d'organiser leur réseau de l'étranger, visant à sauver la prétendue race bretonne. De fait, les faits de collaboration vont durablement marquer les esprits et le futur du mouvement breton. Dans les années qui s'ensuivirent, il ne sera dès lors plus question de politique, en façade du moins. La priorité affichée est donnée au développement de la culture bretonne. Musique, danse, littérature, langue, etc. L'art, comme outil de propagande, devient le nouveau carburant de l'expansion bretonne. Mais dans le courant des années 50, en plein air de reconstruction nationale, une nouvelle caste va faire son apparition dans les arcanes du pouvoir de la Bretagne. Profitant de l'accalmie politique du moment et du vide laissé, une poignée d'industriels va imposer l'économie aux Bretons, jetant de facto des milliers d'agriculteurs dans les abîmes du monde contemporain et modifiant par la même occasion le mode de vie de tout un territoire et de ses habitants. Pourquoi ? Comment ? Par quel truchement ? Vous le saurez la semaine prochaine dans un nouvel épisode follement gai et entraînant du Billet Foutrac. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Les donneurs de leçons seront plutôt mal reçus. Les je sais tout plutôt malvenus. Pour les faux culs, l'entrée est défendue. Comme ça on évitera tout malentendu. Pas de restart, ni gourou dans ma tribu. Dans ma secte y'a que des inconnus. Que des glandus, des bossus et des foutus. Des déglingos, des exclus, des mal conçus. Des incoups, qui j'tahais le pied nu. Des incoups, avec les cheveux crépus. Des rappeurs, qui kickent sur l'instru. Des révolutionnaires, obstinément têtus. Des cassos, comme t'en as jamais vu. Des types chelous, qui sortent de garde à vue. Du bruit et des odeurs, qui viennent de la rue. Et des slogans, de prolos, militants jamais vaincus. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Je sais, je suis un peu sectaire. Un peu rigide, oui, un petit peu méfaire. Pas très sociable, non, un peu réfractaire. Mais les gros cons, impossible de m'y faire. Impossible de séparer le politique de l'intime. Le facho n'aura jamais mon estime. Mes ennemis, je les éduque en combattant. Et en leur parlant gentiment à la mi-temps. Si toi être civilisation supérieure. Et toi voir moi sauvage inférieur. Si toi être plus beau. Et toi tout savoir. Si toi être lumière. Et moi petit barbare. Si toi expliquez-moi. Pas mettre le chat d'or. Qu'il faut manger du porc. Et pas prier dehors. Si toi condescendant s'adresse à moi comme un clébard. Moi donner à toi un coup dans la mâchoire. Pas de connard dans ma secte y'en a pas. Si t'es pas clean t'es pas net tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte y'en a pas. Si t'es pas clean t'es pas net tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite tu rentres pas. Dans ma secte on a l'esprit critique. On déconstruit, on décortique au discours dominant. Ma clique est allergique si t'es contaminé. Mec tu restes au portique mais attention à toi. Message aux humanistes. Si t'es à gauche avec l'esprit colonialiste. Si tu regardes le monde avec un œil paternaliste. Mec toi aussi tu seras rayé de ma liste. Ici la porte est fermée, au cerveau étriqué. Si tu la joues solo, ailleurs tu m'envoies désolé. Dans ma secte, on la joue collective, altruiste. On est tous locomotives, solidaires. On pense pas qu'à sa bobine. Discipline d'un soldat moudjahidine. Et même comme ici sur un rythme ragamuffin. Dans ma secte, on crie Tahrir Palestine. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. T'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. J'ai dit tu rentres pas. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et dans l'agglo nantaise. Et lundi, au Maglib, on est allé faire un tour à la fac où il y avait une journée de mobilisation en soutien à l'étudiant qui s'est immolé à Lyon contre la précarité. Après la journée de blocage de vendredi, l'Université de Nantes avait envoyé un mail dans lequel elle proposait de banaliser la journée, c'est-à-dire que les étudiants qui s'absentent ce jour-là ne soient pas pénalisés. L'université proposait aussi des espaces de discussion, dont qu'elle n'a d'ailleurs pas mis en place. Lundi, le blocus était suspendu et une journée de mobilisation a été préparée par les étudiants déjà mobilisés. Journée qui avait un chouette programme, mais ça n'aura pas suffi à ce que les étudiants et étudiantes désertent massivement les salles de cours. À 14h, on est maximum 100 personnes au rassemblement contre la précarité. Alors, on part en cortège pour débrayer les amphis, c'est-à-dire interrompre les cours pour dire aux personnes de venir nous rejoindre. Je vous ai ramené du son de ce moment et je vous propose de l'écouter maintenant. Du coup, là, aujourd'hui, on est lundi 18 novembre, ici à la fac, donc on est devant le pôle étudiant, qui est dans le centre de la faculté de lettres de Nantes, tout dedans. Il y a eu un appel aujourd'hui de la fac de Nantes et la fac de Bordeaux à bloquer contre la précarité étudiante. On y va ou quoi ? Allez ! Allez ! Moi c'est Guérande, j'ai 21 ans et je suis en dernière année de LCE, enfin en langue étrangère pardon. J'ai redoublé ma L3, on pourrait mettre ça sur le compte du fait que j'ai pas assez de temps pour mes études ou quoi, parce que pendant 3 ans j'avais pas mes bourses, il y a que cette année où j'ai pu réussir à avoir des bourses. Il s'est avéré que je suis échelon 5 et échelon 5 ça représente quand même 450 euros par mois. Donc c'est pas rien, et donc avant je devais travailler au minimum 15 heures par semaine, et c'était des jobs un peu mis bout à bout. Enfin, c'est compliqué de trouver un job qui veut bien dire bon bah ok, tous les soirs ça c'est ok, ça non. Souvent c'est bah tu peux pas, je te prends pas. Donc c'était plusieurs types de jobs, et en fait le problème c'est que administrativement auprès de la fac je peux pas avoir de dispense d'assiduité parce que le taux horaire correspond pas. Donc je suis pas considérée comme étudiant et salarié, mais plutôt comme étudiant qui a un travail à côté. Voilà. Anti-précarité ! Anti-précarité ! Anti-précarité ! Anti-précarité ! De Lyon qui s'est immolé l'autre jour. Je sais pas si vous êtes au courant, et aujourd'hui il y a aussi un jeune de 22 ans qui est mort dans sa voiture parce qu'il n'y avait pas de logement, il avait son attestation à côté, il n'y avait pas encore de logement, il est mort dans sa voiture. Donc on est venu aujourd'hui, la journée de cours est banalisée, donc si vous n'êtes pas là, vous ne serez pas noté comme absent. Donc là on fait un rassemblement, on fait un tour des amphis et rejoignez-nous, bordel, rejoignez-nous! Alors du coup, à la base, il y avait un appel officiel au blocage, au blocus du coup de la fac de Nantes et de Bordeaux pour créer une mobilisation sur la journée, pour aussi montrer qu'on est présent sur la fac. Et en fait, vendredi dernier, en réponse directe à ce qui s'est passé avec l'étudiant lyonnais qui s'est immolé devant le Crous, on a donc décidé de faire une action directe, disons une réponse un peu directe, même tardive, mais... Donc sans prévenir, dire bon bah ok on bloque vendredi, sans réellement prévenir, c'était plutôt donc c'était pas diffusé sur les réseaux quoi. Donc ça a été fait et on a bloqué, ça a tenu toute la journée parce que du coup l'administration a décidé de fermer les cours mais garder les examens si je crois bien. Et à la suite de ça, on a reçu un mail de l'administration encore, je crois bien, pour nous dire que lundi, il nous était proposé des espaces ouverts pour pouvoir discuter de ça et la banalisation des cours. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas bloqué, un peu suite au premier blocus. Voilà. J'imagine quand la fac envoie un mail à tout le monde pour dire que la fac est bloquée et fermée, en fait vous ne croisez pas les étudiants. Mais alors voilà, en fait ouais, le petit problème avec les... blocus, si on pourrait dire ça, c'est que souvent le blocus se fait dès 8h et les élèves donc, qui sont là à 8h vont pas forcément rester la journée ou pour les actions de mobilisation comme des rassemblements, comme des manifestations qui vont toujours se passer vers midi 14h. Et tous ceux qui avaient cours vers 11h, midi 14h, ils vont voir le mail, donc même plus déplacés à la faculté. Et du coup, en fait, on touche plus personne parce que la fac finit par être un peu déserte. Mais d'un autre côté, comme aujourd'hui c'est la banalisation des cours, donc l'argument aurait été justement car il n'y a pas de blocus, les élèves sont là et vu qu'il y a la banalisation, les élèves sont donc libres de venir ou non en cours et donc participer à la mobilisation. Comme on peut voir là maintenant, le rassemblement n'est pas très massif. Il s'avère qu'en général on remarque qu'il y a quand même plus de gens au rassemblement quand il y a des blocus. Cumulent aussi souvent des jobs avec leurs études. On porte sur l'île. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas, on va ouvrir des débats. Et... Sa mère était une femme? Ouais. Il était jeune et dans les jupons de sa maman? Ouais. Mais c'est tout léger. Il était roi d'un royaume étranger. Choisir Édouard, c'était choisir la voie complètement inconnue et incertaine, la voie incertaine d'une double monarchie, avec un même souverain. Édouard, roi. Roi de France et roi. Facilité va vous tuer vous-même. Vous êtes de retour dans le magazine Libertaire et vous venez d'écouter un reportage fait lors du lundi de mobilisation contre la précarité et en soutien à l'étudiant lyonnais qui s'est immolé le 8 novembre à Lyon. Pour compléter, voilà le compte-rendu que l'on trouve sur la page Facebook de l'Université de Nantes en Lutte. Ça s'appelle « Un lundi de mobilisation ». Suite à la décision de lever le blocus, nous avons eu l'attention des étudiantes et étudiants et avons lancé une journée d'action. Le matin, dès 8h, des dizaines de personnes préparaient la journée à l'invitation salle C11 de la Censive. Des tracts ont été distribués, des interventions en amphithéâtre ont été réalisées. Des produits alimentaires ont été mis en libre service sur le campus. À 11h, une AG prof étudiant a eu lieu. Certains membres du personnel ont évoqué la grève du 5 décembre. Les étudiants et étudiantes ont pu échanger. À 12h, la cantine On a encore faim a réuni un très grand nombre de personnes et a une nouvelle fois permis de se rencontrer et d'échanger. Des tracts ont été distribués. À 13h, Chahut a préparé avec quelques dizaines de personnes à l'invitation une bibliothèque humaine sur la précarité. Et à 14h, le rassemblement devant le pôle étudiant contre la précarité rassemble encore entre 70 et 100 personnes. Trop peu au vu du contexte révoltant. C'est à ce moment qu'une voiture de police apparaît pour la première fois de la journée. Entre 14 et 15 heures, des débrayages dans les amphithéâtres ont lieu. Nous noterons l'encouragement de plusieurs profs à suivre le groupe en assurant à leurs étudiants et étudiantes la mise en ligne des cours. Des alarmes incendies sont déclenchées. À 15 heures, une voiture de police est garée sur le campus, provoquant et brisant la franchise universitaire. C'est collectivement, en courant sur eux, que les personnes mobilisées les font partir, démontrant l'hostilité partagée envers la présence policière. Rassemblement terminé vers 15h30. Et pour finir ce résumé, on vous laisse admirer la finesse dont certains et certaines ont fait preuve sur le tableau de témoignage posé en tertre lors du blocus. Et là, il y a une photo, effectivement, de gens qui ont écrit sur ce panneau... qu'on écrit des trucs que j'ai pas forcément envie de lire à l'antenne, tellement je trouve ça violent à l'égard des personnes précaires. C'est un tableau de témoignage qui a été mis en place pour pouvoir témoigner de la précarité, en fait, et des gens répondent des trucs genre « on s'en bat les couilles », genre voilà. Donc ça, c'était le compte-rendu qu'on a trouvé sur la page de l'Université de Nantes en Lutte. Et la suite immédiate de ce mouvement, c'est un peu dur à savoir, sans avoir pour le moment le retour de l'AG, qui, je le rappelle, est en cours. En tout cas, il y a appel à rejoindre le Black Friday du 29 novembre, une journée où les gens sont appelés à ne pas consommer et une journée aussi d'action contre la consommation et de grève contre le climat. Et aussi une journée où les lycéens et les étudiants sont appelés à converger. Et il y a aussi, bien sûr, la journée de grève du 5 décembre, pendant laquelle j'espère, chers auditeuristes, voir dans les rues. En attendant, on vous propose de la musique avec une chanson qui s'appelle « Café » de la compile « Hit en lutte », qui est une compile de soutien à la Caisse d'autodéfense juridique de Toulouse et que vous pouvez retrouver sur hitenlutte.bandcamp.com. On les écoute. Thank you. Petit matin d'un jour de mars, je partais au boulot. Un petit quelque chose dans l'air m'a fait me lever plus tôt. Un café avalé, je me hâte vers le métro. En raison d'une manifestation, le réseau Tisséo est interrompu pour une durée indéterminée. Déjà en retard, je repars reprendre mon auto. À peine le deuxième tournant, je me retrouve québlot. Par la vitre, on me glisse ce trac des cafés chauds. Bien en retard, une fois à bon port, les collègues me saluent. Personne en poste, le patron chouine qu'il est déçu. Car la croissance, c'est pas comme ça qu'on la relancera. Effectivement, ça ne produit plus que du café à tour de bras. Les gens se hèlent et s'empoignent, mais sont contents d'être là. Il y a dans l'air une chaleur qu'on vivrait mille fois. Allez, allez, viens boire un verre à la table des acharnés. À la santé de tout ce qui reste à inventer. Puis on dansera et on chantera. On chantera sans s'arrêter. Machine reposée pour décider ensemble ce qu'on en fera après. Un café puis en route vers la manifestation. Le centre-ville tout bloqué est devenu piéton. Et on ne voit plus d'utilité pour les trottoirs. Et se glisser dans la foule mouvante et immense. Emporté par le monde qui s'élance et qui danse, qui ne craint plus de déferler sur les boulevards. Wow, on est beaucoup là. Ouais, y a trop de monde. 90, 100 000, je dirais, Mulnay. Est-ce que t'as vu le camion des chipots? Non, moi j'ai pas été devant. Et Manu, t'as la banderole? Attention, y'a la Pâque derrière. Acharné à la santé de tout ce qui reste à inventer. Puis on dansera et on chantera sans s'arrêter. Allez, allez, rejoins les camarades qui se sont rassemblés. Le temps d'une grève, laissons les machines reposer. Pour décider ensemble ce qu'on en fera après. Six jours ne suffit pas à bousculer les choses. Alors pourquoi se presserait-on de terminer la pause? Pourquoi se presserait-on de terminer la pause? Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Nous allons continuer à parler de la précarité. Nous allons continuer le volet intitulé « La précarité tue » avec un son qui nous vient de Lyon, un son qui a été fait donc le mardi 12 novembre où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du Crous de Lyon, donc le lieu où l'étudiant s'est immolé le vendredi précédent. Il y a eu des actions de blocage qui ont été menées sur le campus de l'université et on va entendre des proches et des camarades de Solidaires à Lyon donc, dont faisait partie l'étudiant qui s'est immolé. On va attendre ses proches, donc, qui ont pris la parole devant plusieurs centaines de personnes. On peut voir qu'il y a de la tristesse et de la révolte dans leurs paroles et sur les banderoles. Je vous laisse écouter, on se retrouve dans 12 minutes. On demande des logements salubres, on demande plus de logements crous, à des loyers plus accessibles, parce que c'est intolérable que les crous qui sont salubres, ben, ils soient plus chers, hein. C'est un peu ridicule, on se retrouve à devoir payer pour des logements insalubres dès qu'on peut s'expulser en plein hiver. C'est absolument scandaleux. Bref, on demande des repas crous gratuits et on demande, tant qu'à faire, au moment de la révolution. Je suis Denis Poura, je suis enseignant à Sud Éducation Solidaire. Mais on est là suite au drame qui a eu lieu vendredi dernier. C'est pas seulement un drame, c'est une conséquence politique de la précarité généralisée à tous les étages et de la ponction des richesses qui a lieu des plus pauvres et de la plus grande partie de la population vers les plus riches. Et vendredi, on a atteint l'irréparable et c'est absolument insupportable et ça doit plus se reproduire. Et pour que ça se reproduise plus, il faut que le système change, quoi. Justement, vendredi, ça a été quoi votre réaction ? Ça a été une grande peine d'abord et une consternation parce que c'est un camarade de l'Union syndicale solidaire et mélangé à une révolte insoutenable, quoi. Même dans mon secteur, l'éducation, il y a de plus en plus de collègues qui craquent. Il y a eu, je ne sais plus combien, 52 suicides, je crois, sur l'année qui s'est passée. Les collègues contractuels sont de plus en plus nombreux. Les collègues qui démarrent ont du mal à se loger dans les agglomérations puisque les salaires sont bloqués depuis des années. Donc oui, la précarité, elle est à tous les étages. On la voit dans les territoires un petit peu partout. Moi, j'habite un peu à l'extérieur de Lyon, à la campagne. On n'a plus de poste, on n'a plus rien. Quoi. Je m'appelle Mathilde Arruis et je suis en L2 de sciences politiques comme celui qui s'est immolé et du coup je suis venue apporter mon soutien. Je trouve que le vrai drame c'est qu'on se rend compte du problème avec un drame en fait, avec un étudiant qui s'immole, c'est horrible. Je trouve ça pas normal qu'on doive en arriver là en fait. Même si je défends pas toute la lutte solidaire, etc., je trouve ça important d'apporter mon soutien. C'est quelqu'un de ma fac, de ma promo, c'est un étudiant. Je suis pas dans la même situation que lui. Enfin, je l'étais pas, mais je trouve que c'est important de montrer que je m'y intéresse et que c'est une lutte que je défends. Parce que être étudiant, c'est se serrer la ceinture sur certains moments. Quand on n'a pas les parents qui peuvent suivre, ça devient vraiment difficile, quoi, même avec les aides de l'État. Hein. Donc, je suis Laetitia. Étudiante en sciences politiques à Lyon 2. Je suis aussi militante à Solidaire étudiante Lyon. Et je suis aussi la petite amie de l'étudiant qui s'est immolé par le feu. Comment tu vas ? C'est compliqué. Je réalise toujours pas ce qui s'est passé. J'ai pas le temps de m'effondrer, c'est pas le moment. Il nous a demandé de continuer de lutter, moi et les camarades. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, c'est le moment pour parler, pour agir politiquement, pour faire bouger les choses. Pour moi, c'est pas le moment de m'effondrer. Et on peut rien faire pour l'instant, on peut juste lutter. Je suis assez émue, je pense pareil pour tous les camarades qu'ils connaissent, qu'il y ait autant de monde, que les gens soient... qu'il y a plein de gens en fait qu'on ne connaisse pas et qui sont pas militants en fait qui sont là. Donc on voit que ce qu'il a dit ça résonne pour plein de gens. Et pas forcément des gens socialisés à la politique ou politisés, mais aussi à tout le monde en fait, parce que la précarité ça touche tout le monde. Donc je pense que c'est bien qu'on se rassemble pour faire bouger les choses et aussi entre nous pour parler de cette précarité et qu'on arrête de considérer ça comme normal ou honteux. Justement, cette précarité, tu la ressens au quotidien ? En tant que syndicaliste, oui. Personnellement, moi, pas trop. Mais comme je dis, je normalise aussi. Enfin, je suis un peu en galère, mais ça va, quoi. Les étudiants sont... Et les étudiantes sont en galère pour trouver des logements décents. On est obligé de galérer pour manger, de sauter des repas, de pas se soigner, de bosser en plus de ses études. Donc la précarité, on la voit tout le temps. Et en tant que syndicaliste, on voit des cas qui sont vraiment horribles. L'année dernière, on a eu des gens qui étaient à la rue, en fait, parce que le CROUS voulait pas les aider et ne pouvait pas les aider. Donc on s'est retrouvés à en héberger certains pour éviter qu'ils dorment dehors, en fait, en plein automne, en plein hiver. Des étudiants qui sont en détresse, il y en a énormément. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup qui arrêtent les études et puis qui on le sait pas en fait, qui vont pas bien et qui sont en détresse. Il y en a qui font des tentatives de suicide. C'est deux fois plus, je crois, d'étudiants qui font des, enfin, qui se suicident que par rapport à la classe d'âge des 15-30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème et en fait on n'en parle pas. Et là on commence à en parler et c'est plutôt bien, juste qu'on comprenne au moins que bah, c'est pas normal et qu'il faut qu'on se batte et qu'on soit solidaires entre nous. Je pense que ça m'est fait même déjà bouger les lignes un petit peu, juste pour les étudiants, de se dire ok, je suis en galère, mais je suis pas le seul ou je suis pas la seule, et en plus c'est pas normal, et c'est pas de ma faute, c'est pas ma faute à moi si je suis en galère et que mes parents ils ont pas beaucoup d'argent ou qu'ils peuvent pas m'aider ou que j'ai du mal à trouver un boulot et réussir mes études. Bah non, en fait c'est un problème systémique et c'est pas un problème individuel. C'est pas nous c'est pas notre faute si on est pauvre ou on est en galère. C'est la faute collectivement de l'État, des gouvernements qui nous permettent pas d'assurer les moyens pour qu'on puisse vivre et étudier de façon décente en fait. Je m'appelle Juliette. Tu es étudiante ? Oui. En quoi ? Je suis en master de lettres modernes. Je suis là aujourd'hui parce que je trouve ça important de soutenir un camarade qui a tenté d'attenter à sa vie. Et aussi parce que je pense que on changera rien sans action collective et sans rassemblement de tous les étudiants qui sont touchés par les mesures criminelles de Macron et de son gouvernement en fait, contre les jeunes. Et je suis solidaire de mes camarades boursiers, parce que je suis pas boursière moi-même, mais je pense que c'est des mesures qui touchent d'abord les boursiers et le traitement qui est... Enfin, je trouve inadmissible en fait le traitement qui est imposé aux étudiants qui n'ont pas les moyens de payer leurs études, financer leurs études. Il n'y a qu'à voir en fait les conditions dans lesquelles on est forcé d'étudier en fait, parce que je veux dire, il y a la moitié des étudiants qui sont salariés, alors que je veux dire, on a 20 ans, donc on n'est pas censé travailler normalement, on n'est pas censé être dans une situation de salariat. Et en plus, en fait, les étudiants qui sont salariés, ils sont dans une position où c'est beaucoup plus difficile de réussir leurs études et d'avoir un diplôme, étant donné qu'ils sont déjà salariés par ailleurs. Et en plus, tout ce système de... Je suis pas experte en bourse, mais il me semble quand même que tout ce système de... À partir du moment où tu te bats pour tes droits, t'es défaillant et donc du coup, tu perds ta bourse et t'es encore plus dans la précarité alors que normalement, tu devrais... Enfin voilà, c'est inadmissible en fait. Et cette précarité-là, elle touche aussi en fait ceux qui vont travailler dans la fonction publique et particulièrement les enseignants. Et du coup, je me sens aussi solidaire des enseignants de ce fait. Donc, PA, étudiant à Lyon 2, en master 2 de Sciences Po. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui pour montrer ma solidarité vis-à-vis de Anas, que je connaissais déjà personnellement, avec qui on a eu beaucoup de différents politiques, certainement, mais en même temps, d'un autre côté, c'est un camarade, et en fait, son geste, il a été longuement prémédité, il a réfléchi longuement, du coup personne n'était au courant, enfin il y a quelque chose d'un peu quelque chose de politique dans son geste, et du coup en fait c'est pour ça qu'on est tous rassemblés aujourd'hui, en dehors des petites bagarres politiciennes qui peuvent exister, etc. parce que en fait ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous, et la précarité ça touche les étudiants, et les étudiants qui ont 400 euros pour vivre par mois, bah au bout d'un moment on voit ce que ça donne, quoi. La politique criminelle du CROUS, de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur. Et à mon avis, il faut pointer du doigt les responsables de ça, parce que les vrais responsables, c'est pas lui le responsable, c'est pas, euh, ses amis, c'est pas... En fait, les responsables, c'est l'État qui a permis, du coup, que des situations de précarité telles se développent, et sans aucun contrôle, sans aucune aide, en fait, de leur part, et du coup, c'est catastrophique, quoi. Bah moi, en tant que militant communiste et militant syndical également, je suis tous les jours confronté à la précarité. Moi également, je dois travailler pendant mes études pour financer mes études. Je milite justement aux côtés des travailleurs qui sont plongés dans le chômage, dans la précarité, dans un but d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration des conditions d'études. Et c'est important, en fait, de se mobiliser et de militer, en fait, au quotidien, plus que d'être là aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut se mobiliser, il faut lutter, en fait, au quotidien. Et il ne faut pas attendre que des événements comme ça se passent pour sortir à 10 000 dans la rue. Il faut qu'on soit dans la rue tout le temps, il faut qu'on batte le pavé. Par exemple, on se mobilise toute l'année et on essaye d'éviter que ce genre de choses adviennent. Et c'est par les luttes collectives et par la puissance des travailleurs, des étudiants, des prolétaires entre eux que ce genre de choses, il n'arrivera pas. Et si le mec, il était tout seul dans sa vie, pas écouté, etc., bah évidemment que ça peut amener à des situations irrémédiables. Ça fait quelques années quand même que je suis militant. J'ai du mal à penser que tous les gens qui sont là vont continuer à se mobiliser à l'avenir sur les questions de précarité étudiante, de CROUS, de... Enfin, voilà, quoi. Oui, vous êtes sur JTFM 91.2, toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Donc, vous venez d'entendre un son qui venait de Lyon, donc d'un rassemblement du mardi 12 novembre, que vous pouvez retrouver sur rébellion.info ou bien sur radioparleur.net. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons continuer avec un texte, à lire un texte sur la précarité. Comme le dit une personne dans l'entretien, la précarité, ça touche tout le monde. Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris, tu portais le cri que le peuple exprime. Légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les sangs bleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran, t'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Répugnant république. Avec toi, le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Puis j'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Assaï va, saïra, folomie quand le troll autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends l'Indochine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Soudain la candeur se dissipe, je me méfie de tes disciples. Tant de déni de crimes indicibles, soudain j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un camp, oui, bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république. Répugnant république. Avec toi le pape, on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Pour Bigot, un totem qui n'agite que les pourris, les brasseurs de vent et les bourricots. Langue chloroforme, langue de bois, tes phrases sont creuses, elles manquent de poids. Règne du faux débat, peste, choléra, tes porte-voix me mettent hors de moi. La sécurité dans toutes tes bouches, la peur de l'autre chez le français de souche. Que de la haine sous toutes ses couches, en passe s'écrase les pauvres comme des mouches. Rétrograde, phallocrate, élitiste, raciste et mensongère. Ok, soyons clairs, si je t'insulte, c'est volontaire. Répu, répu, répu, répu, répugnant pré-public. Répugnant pré-public. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'à quand oui pour soi, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant pré-public. Répugnant pré-public. Avec toi le pape on n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Oui, donc nous allons lire un texte sur la précarité qui a été écrit par des précaires et que nous avons trouvé sur rébellion.info. Il s'intitule « Étudiants précaires, on n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes galères ». Alors que les droits des chômeurs reculent, les étudiants se mobilisent contre la précarité. Des précaires appellent à se joindre au mouvement. Voilà près de 20 jours que la nouvelle réforme de l'assurance chômage est appliquée. Comme chacun chacune l'a constaté, elle réduit déjà nos allocations pour lesquelles nous avons cotisé quand elle ne nous envoie pas directement dans les bras de la CAF mendier notre RSA. La seule bonne nouvelle dans cette situation, c'est qu'acculées devant l'augmentation du nombre de demandeurs de RSA, les structures devant accompagner notre réinsertion dans le monde du travail doivent espacer leurs leçons de morale. Cette réforme, avec un cynisme certain, a jeté nombre d'entre nous hors du chômage indemnisé, nous plongeant chaque jour un peu plus dans la dèche. Pourtant, nous n'avons pas été à la hauteur de sa violence. Il y a plein de raisons à cette non-réaction, et notamment la solitude qui caractérise nos conditions. Malgré notre apathie, les faits sont là. Nos allocations ont radicalement diminué quand elles n'ont pas disparu. Il n'y a toujours pas de taf, et on est toujours plus contraint à enchaîner des jobs de merde payés une misère. Ceux d'entre nous qui ont la chance de galérer dans des boulots tout pourris doivent plus que jamais se serrer la ceinture et fermer leur gueule sans rien avoir plus à attendre de Pôle emploi que des formations tout aussi inutiles qu'humiliantes. Et puis, il y a quelques jours, un étudiant s'est immolé devant le Crous de Lyon, notamment pour protester contre la précarité étudiante. Un mouvement étudiant prend forme à Lyon pour demander des conditions de vie décentes sous le slogan « La précarité tue ». Les étudiants étudiantes, tout comme nous, savent à quel point la flexibilité du monde du travail est synonyme pour eux d'une vie de galère. Enchaîner les contrats et les jobs plus chiants les uns que les autres, avoir des horaires aberrants et toujours devoir fermer ta gueule face au petit chef parce que sinon tu ne pourras sûrement pas remplir ton frigo. Bref, les étudiants sont en colère et nous ne pouvons que nous en réjouir. Depuis Lyon, ils et elles appellent à une semaine de mobilisation des étudiants contre la précarité. Nous nous reconnaissons dans ce mot d'ordre parce qu'à juste titre, cette même précarité nous tue aussi. Ne nous trompons pas. Même si les situations diffèrent, les mécanismes, les galères et les solutions sont assez similaires. Parce que depuis trop de temps, on galère dans notre coin. On se dit que rejoindre cette mobilisation étudiante, ça nous permettrait, à nous aussi, précaires de tout poil, de nous rencontrer, de nous retrouver pour pouvoir partir de notre position. Pour que ce cri de révolte soit entendu dans sa juste mesure et pour que nous puissions faire face ensemble à cette violence institutionnelle, nous apportons tout notre soutien à la mobilisation étudiante. Et nous invitons tous et toutes les précaires à se retrouver aux côtés des étudiants et étudiantes pour construire depuis notre position une réponse à la hauteur de la violence quotidienne. Et c'est signé des précaires. Et peut-être qu'on peut rajouter que pour les personnes à qui ce texte parle, il est toujours temps d'aller rejoindre l'Assemblée Générale qui se tient actuellement à la fac de Nantes sur le campus Tertre, ligne 1 du tramway, arrêt faculté. Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert et que lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. Voilà. Contrôler les chômeurs et puis les réfugiés. Contrôler les jeunes au pied des cités. Contrôler les gens qui les aident parfois. Contrôler les agents qui contrôlent tout cela. Flashback, mars 2017, le programme est bouclé, c'est la fête. En Marche s'élance et annonce un sabotage du dispositif d'assurance chômage. Je propose un changement profond en termes de répartition des rôles entre le pouvoir politique et les partenaires sociaux. Je propose d'augmenter les pouvoirs de l'État, autrement dit mes pouvoirs à moi, et de diminuer ceux des syndicats. C'est aussi simple que ça. Nous avons des partenaires sociaux qui sont insuffisamment présents, ou vivants si j'ose dire, dans la branche et dans l'entreprise, et qui s'expriment sur des débats nationaux, parfois de manière, à mes yeux, indue. Qu'on mette ces groupements d'illettrés au placard et qu'on me rende enfin ce qui appartient à César. Ainsi parlait, non pas Zarathustra, mais un ambitieux banquier de son état. Il lui semblait qu'il serait fort pratique que certains syndicats arrêtassent la politique. Non point qu'il eût peur, mais on ne sait jamais. Une révolte est si vite arrivée. Pour agrémenter sa potion amère, il y mettait ses formes et ses gentilles manières. Tant et si bien qu'on vit peu de gens frémir quand il annonça qu'un monde allait périr. Ce que je propose, c'est de remettre cela en ordre. Ça veut dire que, pour le chômage, je propose de changer la gouvernance du système. Je dis, le chômage, c'est un risque universel qui touche toutes les catégories. Agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs. Bloop, bloop, vous voyez ce lapin? Je le tenais pourtant là, dans ma main. Où est-il passé? Comme c'est rigolo. Voilà qu'il apparaît dans mon chapeau. En même temps, j'en change la règle parce que je dis, c'est un système universel. Et donc j'indemnise tout le monde. Mais derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Et donc je peux contrôler tout le monde. Vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage pendant X mois parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini. On ne peut l'exprimer plus clairement que lui. L'assurance chômage, eh bien, c'est fini. Cela paraît fou, impossible, impensable. Mais si on se laisse faire, c'est sûrement faisable. Passons sur le fait qu'il nous indemnise comme s'il sortait des liasses de sa propre valise. Et arrêtons-nous sur le mot derrière, à considérer dans sa polysémie entière. Derrière, comme c'est universel, il n'y a pas de droit acquis au chômage. Derrière, donc, le chômage n'est plus un droit. Tu payes plus de cotises, alors ferme-la. Derrière un masque d'universalisme, une vieille utopie du néolibéralisme, un salarié sans droit au chômage, travaillant jour et nuit et même davantage, obligé pour survivre de s'endetter et d'enrichir son banquier. L'État gère le chômage, donc ça n'est plus un droit. Mais bien entendu, cela va de soi. Mais si c'est plus un droit, alors c'est quoi? Une petite faveur, une bonté du roi. Et donc je peux contrôler tout le monde? Le contrôle, c'est un accompagnement avant tout. Contrôleur-conseilleur, ça me plaît plus que contrôleur-sanctionneur. Augmenter l'emprise du contrôle par la peur, en particulier celle de devenir chômeur, ou quand on l'est déjà, celle des lendemains, que d'aucuns manient comme un lapin. Mais pourquoi ne pas optimiser le process? N'importe quel avatar pourrait bien dire la messe pour un service public libéré, toujours plus près de ses usagers. Bienvenue, petits chômeurs et fraudeurs. Je suis l'agent X, contrôleur conseilleur, du PEP, le pôle emploi performance. Pardon d'interrompre tes vacances. Je suis l'État et je vais m'occuper de toi. Le chômage n'est plus un droit. Merci de définir d'une voie naturelle ton choix de formation professionnelle. Bip, bip, bip, bip. Mais je ne demande aucune formation. J'ai juste un problème avec mes allocations. Depuis 2 mois, mon dossier est bloqué. Impossible de joindre un conseiller. Attention, petits chômeurs et fraudeurs. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur. Je répète, mais c'est la dernière fois. Pour ta formation, quel est ton choix? Bah je sais pas, qu'est-ce que vous avez? Cette phrase ne comporte aucun mot-clé. Alors disons, révolution. Excellent choix, félicitations. Bip, bip, bip, bip. Comment devenir auto-entrepreneur? Ta formation commence dans 1 heure. Es-tu disponible? A priori, oui. Alors valide ton choix en disant merci. Bip. Tu n'as pas dit merci, tu manques de bienveillance, autant que d'ambition, tu as loupé ta chance. Au bip final de cette conversation, la basse procédera à ta radiation. Je te souhaite bon courage pour la suite, ainsi qu'une belle année 2018. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Ça vaudrait vraiment le coup de lutter contre ça, que l'on soit jeune ou vieux, et chômeur ou pas. D'autant que pour la suite, Sa Majesté l'Empereur a d'ores et déjà annoncé la couleur. Sur le projet des retraites, c'est vers la même transformation que nous allons. Au fait, si tu veux contracter un prêt bancaire, Sache que l'État est désormais partenaire de la formule de crédit Asaïra, spécialement conçue pour les gens comme toi. Et, cerise sur le gâteau, il est déductible de tes impôts. Asaïra, disponible dans toutes les agences de Pôle emploi performance. BIP. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. On vient d'écouter La Parisienne libérée. Nous allons maintenant parler de Vincenzo. On avait déjà parlé de Vincenzo dans au moins deux de nos émissions. Vous pouvez les retrouver sur notre site maglib.noblogs.org. On voulait annoncer que donc Vincenzo était sorti de prison vendredi dernier. Pour rappel, il avait été arrêté en Bretagne cet été et il était visé par deux mandats d'arrêt européens émis par l'Italie. Alors, on a trouvé quelques informations, on n'a pas de compte-rendu de l'audience, mais juste quelques informations sur différents sites et dans la presse. Les avocats de Vincenzo donc, avaient déposé plusieurs moyens sur de nullité sur l'irrégularité de la procédure italienne et sur la notification des mandats d'arrêt européens. Donc, dans son délibéré vendredi, la Cour d'appel de Rennes validait les moyens de nullité déposés. Les magistrats disent que le mandat d'arrêt européen pour les faits de Milan n'a pas lieu d'être, puisque la peine a déjà été purgée. Pour Gênes, il ne se prononce pas sur le fond, mais il confirme que le mandat d'arrêt européen n'a pas respecté les formalités, notamment en raison de l'absence de notification à un avocat italien. On peut rappeler que pour les avocats de Vincenzo, l'Italie a émis donc le mandat d'arrêt européen sur la base d'un arrêt de la Cour d'appel de Gênes de 2009, comme s'il s'agissait d'un jugement définitif. Or, en 2012, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation italienne qui a pourtant modifié les infractions et la peine assortie, la réduisant de 9 mois. L'avocat dit qu'un mandat d'arrêt doit faire état du dernier jugement et doit mentionner la peine exacte à exécuter. Donc Vincenzo est sorti, mais en fait, on a appris lundi que le parquet général de Rennes se pourvoit en cassation. Donc je pense qu'on devra, on reparlera sûrement de Vincenzo dans cette émission dans les semaines qui viennent. Sale boulot. Sale, sale boulot, tu fais le sale boulot. À chaque manif, tu fais face, et la place que t'occupes me dépasse. T'as l'insigne ennemi sur la poitrine, t'as l'insigne indigne qui terrasse. Tu nous tases, tu nous nasses, tu nous frappes, tu nous gazes, tu nous chasses. Tu nous tires dessus, un sbire de plus à la solde des pires obus. Ne vois-tu pas qui tu barres la route, et l'huile sur le feu que ton camp rajoute. Comment tu brises les rêves, broie la grève d'une foule qui a faim, qui refuse la voûte. Une foule qui défend ses droits, et ceux des gosses qui t'attendent chez toi. Ne vois-tu pas le paradoxe qui découle quand les molosses de ta police se défoulent. Sale boulot, sale boulot, sale boulot. Tu fais le sale boulot, sale boulot, sale boulot, sale boulot. Tu fais le sale boulot. Délit de faciès, débit de bassesse. Voilà bien la monnaie de ma pièce. Me traite de macaque, tes collègues acquiescent. Vermine qu'on dératise. Un sur deux voudrait que je fasse mes valises. Partisan du front qui tétanise. Ose dire que je généralise. Et les barbares à la barbe rousse rentrent au quartier comme une milice. Et la haine se lit dans l'iris. Et la justice a qui tout étouffler ses vices. Des bavures deviennent ordinaires. Et tes contrôles mortifères. Si tu veux du respect, montre aux pattes blanches d'abord. Trop de frères entre quatre planches. Sale boulot. Sale boulot. Sale boulot, tu fais le sale boulot, sale boulot, sale boulot, sale boulot, tu fais le sale boulot. Un flic reste un fils de pauvre. T'as beau frotter, t'as l'odeur fauve. Tu t'exécutes dans un silence de glace. Mais où est passée ta conscience de classe? Ironie du sort grotesque. C'est tes potes qui m'écrasent si je proteste. Ta matraque qui menace, qui moleste. À te voir la mélasse fasciste à de beaux restes. Garde chion attardé, serviteur pour notre table attablée. Bras armés se bagarre au nom d'une élite accablée. où est la trace de ton humanité? Quand tu fonds dans la masse de ma rue agitée, quand t'expulses, quand tu déloges, et les ordres jamais qui dérogent. Sale boulot, sale boulot, sale boulot, tu fais le sale boulot, sale boulot. Godless workers can't surplus labor, no demand. They send you out to run the land. Paddy rollers ride again. The hardest thing about this plan, it's fam on fam, same class and clan. I know you when you scratch the truth. You see me and you more than the blue. That might be why your hate's on rise. You could see pride, but you despise. You said you signed up to save lives. So how come at your hands we die? I pay you to protect and serve a wealthy, paying you with perks. And when the rich done with your work, they kick you right back in the dirt. Spit out the pill and spit it quick. Civil war is for the rich. Vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire. C'est l'heure des annonces. Nous rappelons qu'aujourd'hui, à partir de midi, et c'est toujours en cours, du côté de la fac à l'amphi 5 de la Sensive, il y a une AG contre la casse sociale et la précarité. Donc vous pouvez toujours vous rendre là-bas aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par cet AG, si vous voulez apporter votre soutien aux étudiants. Et voilà, donc c'est l'amphi 5 de la Sensive à Nantes. Une autre annonce, c'est... Non, c'était pas à moi. Non, c'est toujours à moi. Parler d'un autre rassemblement qui a lieu depuis ce midi à Nantes. Donc, c'est les AESH, c'est les accompagnants d'élèves en situation de handicap, hein, qui se réunissent aujourd'hui donc à Nantes. Il y a eu un rassemblement à midi devant la préfecture avec un pique-nique revendicatif et une conférence de presse à 12h30, puis une audience à la préfecture à partir de 14h30. Donc c'est toujours en cours. Vous pouvez aller donc rencontrer ces personnes qui dénoncent donc des salaires non versés, des acomptes ridicules, un non-réemploi, des dégradations de conditions de travail et d'emploi. Cette rentrée est la pire connue donc par les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Le ministre continue pourtant de minimiser la situation et prétend avoir amélioré les conditions d'emploi des AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Donc ça se passe aujourd'hui du côté de la préfecture à Nantes. Toujours aujourd'hui, mais du côté d'Angers cette fois. Donc là, je vais vous parler d'un apéro-débat organisé par l'Union communiste libertaire 49, intitulé « Retraite, comment gagner ?» point d'interrogation. Depuis des mois, le gouvernement prépare une réforme des retraites qui constitue une nouvelle attaque en règle contre les travailleurs et travailleuses. Le projet, comme son calendrier, est maintenu dans le flou par le gouvernement. Craint-il une cristallisation des colères, nombreuses dans le pays autour de ce sujet ? Bien sûr. En tout cas, nous savons qu'il s'agit de porter le coup fatal au système des retraites actuelles. Passer du système par répartition à un système par points, baisser les pensions, mettre fin aux régimes spéciaux, mais aussi à la prise en compte de la pénibilité de certains métiers. Régimes spéciaux, publics ou privés, nous serons toutes et toutes perdantes et perdants. Depuis septembre, le 5 décembre se dessine comme le possible départ d'un mouvement d'ampleur. Les appels syndicaux à la grève reconductible se multiplient pour bloquer le pays, alors que la dernière assemblée des assemblées des Gilets jaunes appelaient à se joindre au mouvement à partir du 5. Un an après le début des Gilets jaunes, alors que la colère et le ras-le-bol ne cessent de monter, le conflit pour nos retraites pourrait devenir le point de rencontre de toutes les luttes. Alors comment gagner enfin contre ce gouvernement? Que faire pour les faire reculer franchement et arracher une victoire qui redonnera confiance et espoir? Nous vous invitons à venir en discuter lors d'un apéro-débat organisé par l'Union communiste libertaire 49, anciennement Alternative Libertaire, mercredi 20, donc aujourd'hui à 20h à l'Étincelle. Donc ça se situe 56 boulevard du Doyenné à Angers, sur la ligne, donc c'est Terminus ligne 1. Cette fois, c'est vraiment autour de mon annonce. Alors, c'est une annonce, c'est une présentation de l'association Solidado qui fait de l'accueil de jeunes migrants isolés. C'est jeudi, donc demain, à 19h, au local des Amis de Mai, à Saint-Nazaire. Voilà, un local assez récent, dont on avait annoncé ici l'inauguration. Et donc la présentation de Solidado. Solidado, c'est une association qui a pour mission de faciliter l'accueil de jeunes migrants isolés et de leur offrir la possibilité d'une insertion sociale, scolaire, culturelle et professionnelle dans Saint-Nazaire et sa région. Cette soirée de présentation de l'association permettra également d'accueillir des personnes souhaitant devenir hébergeurs solidaires ou désirant des informations. Et l'association recherche des familles pour accueillir de jeunes exilés. Cela pourra être pour quelques semaines ou pour quelques mois. Il y a également la possibilité d'accueillir un même jeune entre plusieurs familles en alternance. Voilà, donc vous pouvez retrouver plus d'infos sur cette soirée sur le site des Amis de Mai, ladm.noblogs.org. Eh bien, moi, je vais vous emmener de nouveau sur Angers pour la présentation d'un livre qui s'intitule « Jusqu'à Raqqa avec les Kurdes contre Daesh ». Donc, c'est une présentation par l'auteur, André Hébert, de son ouvrage paru aux Belles Lettres. André Hébert, c'est le pseudonyme d'un jeune Français parti combattre durant 15 mois à l'État islamique aux côtés des Kurdes de Syrie. Dans Jusqu'à Raqqa, lieu de la dernière bataille menée avec ses camarades du YPG, les unités de défense du peuple, dans la capitale des djihadistes, il livre le premier témoignage essentiel sur ce conflit. À la lecture de ce journal de guerre, on plonge dans la vie quotidienne âpre de ceux qui mènent la lutte contre Daesh et dans la férocité des combats qui les opposent. Mais Jusqu'à Raqqa est aussi un manifeste politique, celui de ce militant internationaliste qui choisit en 2015 de risquer sa vie pour ses idées. Je cite, « Je m'exprime en tant qu'activiste révolutionnaire, internationaliste, marxiste, soutenant la cause kurde. » Donc ça se passe vendredi à 20h. Du coup, c'est à la Bourse du Travail, 14 place Louis Imbach à Angers. Et c'est organisé par la librairie Les Nuits Bleues, les réseaux angevins antifascistes, Sud Collectivité, et voilà. Samedi 23 novembre, à partir 9h30, à la Maison des Syndicats, un place de la gare de l'État à Nantes. Et il y a les premières assises nantaises de l'hébergement pour tous, pour toutes et tous. Donc c'est à partir de 9h30 jusqu'à 16h30. Si vous êtes indigné par la situation des personnes à la rue et si vous voulez vous informer et ou agir, venez échanger avec les associations et collectifs qui proposent des solutions d'hébergement pour toutes et tous et qui dénoncent cette situation et la non-application de la loi. Donc il y aura une présentation de la situation en France et localement, des tables rondes au sujet des hébergements collectifs, des hébergeurs solidaires, etc. et des synthèses des échanges et de déclarations publiques. Il y aura aussi un forum des associations. Donc tout ça, c'est samedi 23 novembre à partir de 9h30 à la Maison des Syndicats à Nantes. Toujours samedi 23 novembre à Saint-Nazaire, cette fois, c'est à 14h et c'est Place des Droits de l'Homme. C'est une marche contre les violences faites aux femmes. Les collectifs suivants invitent les personnes à se rassembler devant le Dragon des Mers à l'occasion de la marche contre toutes les violences faites aux femmes. Donc les collectifs, ce sont Femmes Solidaires, Le Planning Familial, Ils ne nous feront pas taire, Flûte Femmes en Lutte, Queeraman, Amazone et les Guerrières de l'Ouest. Il s'agit d'une marche mixte parce que nous devons toutes et tous faire sortir du silence les inégalités persistantes qui permettent la vulnérabilité des femmes. Une marche contre toutes les violences systémiques, viol, harcèlement, sexisme, violence conjugale, patriarcale, religieuse, économique, psychologique, jusqu'au féminicide. Rejoignez-nous nombreuses et nombreux afin et... Si vous voulez participer à la préparation de la marche, vous pouvez contacter Vous pouvez... Bah non, il n'y a pas l'adresse. Non, bah, vous pouvez chercher à joindre l'un des collectifs que j'ai cités tout à l'heure. Et voilà. Si, moi, je voudrais bien préciser sur l'explication, il s'agit d'une marche mixte pour sortir tous et toutes du silence. En tout cas, moi, je ne m'inscris pas en contre aussi les marches en mixité choisies. Je trouve ça important qu'on précise. Voilà. Est-ce qu'on a fini avec les annonces ? Moi, j'ai fini. Je n'ai plus de papier. On peut se faire une petite pause musicale avant de se redire au revoir. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Vous avez déclaré, je vous cite, répression, violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Mais, monsieur Macron, vous êtes irréparable. Comment dire, dans un état de droit, ce ne sont pas ces mots, ce sont ces choses qui sont inacceptables. Ne parlez pas de répression, ne parlez pas, Ne parlez pas de répression, vous insultez la start-up nation. Ne parlez pas des violences d'État, le président ne supporte pas ça. Ne parlez pas des mains arrachées, des yeux broyés, des vies brisées, des flaques de sang sur le pavé. Ne parlez pas de la réalité. Moi, j'aime pas le terme de répression parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Ne parlez pas de répression, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas. Répression, ne parlez pas, répression, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression. Ne parlez pas des pressions préventives, des interpellations abusives, d'une justice dont la balance planche. Ne parlez pas des notes blanches, ne parlez pas des cachots puants, ni des traitements humiliants. Épargnez vos pensées triviales à son éminence impériale. En chaussettes, dans une cellule insalubre avec du sang, des excréments sur les murs, on a été photographié, des empreintes, on a été menotté en blouse blanche, pendant 10 heures sans boire, sans manger, sans rien. Ne parlez pas de répression, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas. Répression, ne parlez pas, répression, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression. Sans le début d'un geste humain, même quand sa police agenouille des gamins, main sur la tête, comme une image, voilà une classe qui se tient sage. Ne parlez pas des gaz lacrymogènes, dans les impasses, les fêtes foraines, même piégés par l'ardent nuage, ne cachez pas votre visage. Ne parlez pas de répression, ne parlez pas, pas. Ne parlez pas, Pression, pression, pression, pression, pression, pression. Interdiction, arrestation, perquisition, NAS, détention, charge sauvage et tir tendu, apparemment ne suffisent plus. Il faut décider qui peut encore dire quoi, bannir les mots qui ne conviennent pas. Distinguer le vrai du faux, c'est pas de la censure, c'est de la philo. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Attention, dernière sommation, si vous parlez encore de répression, vous serez d'office et par intention complice de la sédition. Attention aussi à vos clics, tout s'inscrit dans le panoptique. Ne critiquez pas de façon malséante le monarque aux mains sanglantes. Ne parlez pas de répression, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas. Répression, ne parlez pas, répression, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression. Donc vous avez effectivement un outil qui se développe et qui vise à contrôler, maîtriser par l'intimidation, par une politique de peur, les personnes qui pourraient être susceptibles de venir contester un pouvoir. On peut parler de répression, oui. Là, on peut parler de répression. Répression, ne parlez pas, répression, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression, ne parlez pas, répression, répression, répression, répression, répression, répression, répression, répression, répression. Ouais, c'est encore le Maglib, c'est pas fini. Enfin, c'est presque fini. On se dit au revoir, on vous dit au revoir, et on se retrouve la semaine prochaine à 12h05 sur JTFM. C'est ça, pas mieux. Bonne semaine, prenez soin de vous, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, ciao. Ciao. Ciao. Hey. ترويدي تنك شوية يكرو ورد الحارة غفينا اللاك وبدأ الجيري عرف نظل أشي اسكا ترويدي تنك شوية يكرو ورد الحارة غفينا اللاك وبدأ الجيري عرف نظل أشي اسكا امدك شمن لي كناري ويداكي غسد كولي هتسوغو غنواويكي ديما زيغا امدك شمن لي كناري ويداكي غسد كولي سوغو غنواويكي ديما زيغا يمديولي بينوشي باغي غادي نغبو مدير اسقاطك ويتغني سمكتي دمككن بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان ثمانيين متن فرض قام البومبا كرنت سمسبانيين نكور عدين نعيا عشرين كفرين ثمانيين فرض قدام البومبا كرنت سمسبانيين نكور عدين نعيا شكع نغس الداويين وادعي السياس ميطرغام شحال دي المصايب وين ارلون باس برواقية شكع نغس الداويين ودعي سين ذا حسناوة اشحال ذي المصايب وين ارلون بس برواقية عذ من ولا تقشيشين امكوزن دقار غارة عذ من ولا تقشيشين امكوزن دقار ضارة بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان غليت الخوف الوسواس السنمي دي صدواضو السنمي قغلي وسالس اي بسخي الطيج ونفذو لحزن طرام لونكواس السنمي قفذا وسليلو اسمي تيلو للو الناس نورا قداري بردان هذا السين ظنم سهام فقن ولا بي قردان اذلا يسامي ثينغان نورا قداري بردان هذا السين ظنم سهام فقن ولا ذي قردان اذلا يسامي ثينغان ميلا ويكون دي السقسان ينتسدو لحليتي شنان ميلا ويكون دي السقسان الشهد نبكي شنان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان صلاحنا الثوالا حرس الترويح تنموح فلاس يذكر الكرا يكي غلينا شحال ضروح صلاحنا الثوالا حرس الترويح تنموح فلاس يذكر الكرا يكي غلينا شحال ضروح لأننا تبصنا الحبارة دمور في القبايل جمعة في قشة ونوال أموما على الفسن سناسال والي ثالي ثالة وثال كلنا النوم ردل السولي وذيم وثال نفس اللي ذا سفال فبكيت شايا بوكيمون يسعو كرسنا في الباطل سمحتي ويدي زلون تنقض في القبايل بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان اساسان اساسان غارة ما إلا وارا غادي سفهمن يسموني ضرب بات ستة سكعوي ونذبو الشانن فيلوسوفيا الروندا يغالي تصرفي قاسن الساعي من غيعيا يسمع معشيق دين سلمن الطبيبي مخلالي مخل نغس جناسي حشكولان إمي ثوالا غدي سوريا يتظلى ذي بعثيان طبيبي مخلالي مخل نغس جناسي حشكولان إمي ثوالا غدي سوريا يتظلى ذي بعثيان باركات تربي بثارا تنوي تسكلي خم سغدا والناس بزكا ألك شيني غتي تقتل Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin. Assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, assassin.